Avant d'arriver à la fin de cette partie sur les verbes, je voudrais revoir d'autres verbes en ir qui sont plus faciles. Imaginez que l'ascenseur de votre immeuble ne fonctionnait pas hier et vous dites à une collègue « Je suis monté à pied ». Dites-moi cette phrase en utilisant « subir ». S-U-B-I-R pour « monter ». Je vous laisse deviner « à pied ». C'est très facile. Subí à pied. C'est un point dans le passé. Subí à pied. Subir s'utilise aussi pour dire augmenter. Hein? Utilisez donc un plongeoir et dites les prix ont augmenté cette année. Los precios han subido este año. Los precios han subido este año. Subir s'utilise aussi dans l'expression élever la voix. Donc, si voix se dit voz, V-O-Z, comment diriez-vous? N'élève pas la voix, s'il te plaît. No subas la voz, por favor. No subas la voz, por favor. L'ordre est un négatif, il a fallu changer de terminaison. On dit aussi subir al tren pour monter dans le train. Notez bien le mot al. Subir al tren. Donc, comment diriez-vous, en utilisant le passé avec plongeoir, je suis monté dans le train qui allait à Madrid. He subido al tren que iba a Madrid. He subido al tren que iba a Madrid. Au passé sans plongeoir en espagnol, un seul plongeoir est possible. C'est haber. En français, toutefois, on a deux possibilités. On peut utiliser le plongeoir être ou avoir. On peut dire par exemple « Je suis monté dans le train » ou « J'ai monté les valises à l'étage ». Eh bien, en espagnol, cette différence n'existe pas. On dira « He subido » dans les deux cas. Un autre point important, en français, dans « Je suis monté », on peut écrire « monté » avec un « e » accent aigu ou « e » accent aigu « e » si le sujet est féminin. Cette différence de genre n'existe pas en espagnol. On dira toujours « he subido », que l'on soit un homme ou une femme. Voyons un exemple plus facile. Si « souffrir » se dit « souffrir », S-U-F-R-I-R, et en pensant qu'après les constructions « il est difficile de », « il est important de », etc., on n'utilise pas de « de » en espagnol, comment diriez-vous « il n'est pas nécessaire de souffrir pour apprendre l'espagnol » ? No es necesario sufrir para aprender el español. Oui, surtout lorsque vous apprenez avec la méthode Arabs Michel Thomas. No es necesario sufrir para aprender el español.